Bienvenue ce soir dans ce nouveau temps de l'année liturgique, ce temps de l'Avent, ce temps de l'Avent qui nous est donné comme un temps particulier, non pas pour nous préparer seulement à Noël. Ce temps de l'Avent nous est donné comme un temps de l'accueil déjà aujourd'hui, à chaque jour de l'Avent, comme un temps de l'accueil de la gloire de Dieu, du Christ glorieux. On fêtait dimanche dernier le Christ glorieux. Ben, c'est comme la porte d'entrée dans ce temps de l'Avent. Et à chaque dimanche, on va être invité, oui, à accueillir ce Christ glorieux dans notre vie. Et nous allons particulièrement, durant ce temps de l'Avent, nous donner des clés à 4 reprises pour ces dimanches, des clés pour rentrer dans la thématique que nous avons voulu donner, que vous avez reçue sur une petite carte de visite qu'on vous a remise à l'entrée. Il s'agit de rester éveillé et de prier sans cesse. Rester éveillé et prier sans cesse. Pourquoi cette invitation de Jésus au début de l'Avent? Parce que nous sommes menacés par la somnolence, par la perte de vigilance qui nous fait nous installer, nous délecter finalement de la vie que nous menons, qui n'est pas si médiocre que ça, mais on s'en satisfait bien finalement. Et nous risquons de finir par croire que le règne de Dieu va totalement se réaliser ici et qu'il est déjà dans notre petite vie plus ou moins médiocre, qu'il est déjà là. Et puis on va s'en contenter. On va se satisfaire de cela. Eh bien, le temps de l'Avent nous est donné comme un temps d'insatisfaction pour accueillir quelque chose de plus grand. Et ce qui est étonnant, c'est que nous constatons que souvent, on a tendance à s'endormir ou à se laisser endormir dans les moments où les choses ne vont pas très bien. On a tendance à se satisfaire de notre vie quand les choses vont même pas bien du tout. C'est même valable au niveau d'une société. Si on écoute la première lecture du livre de Jérémie, Jérémie est un prophète à un tournant de l'histoire d'Israël et à un moment qu'on n'aurait peut-être pas aimé vivre. C'est la chute. C'est les chutes successives des rois d'Israël, les uns après les autres, la montée de la puissance de Babylone, qui tantôt est une puissance protectrice, tantôt une puissance qui vient détruire et menacer. C'est la période de manigance à la cour du roi, où tantôt on est pro-égyptien, tantôt on est pro-babylonien. En fait, c'est déjà une manigance politique comme on en connaît dans toute l'histoire de l'humanité. Et c'est à ce moment-là que Jérémie survient, comme vrai prophète de Dieu, à une période vraiment pas drôle. Et il y en a qui ont profité de cette période pas drôle, les faux prophètes. Si vous allez lire Jérémie 28, vous allez découvrir un faux prophète qui s'appelle Hanani. Et il y en a tout plein comme lui. Hanani, il est de ceux qui disent « Vous inquiétez pas, la puissance de Babylone, elle va s'effondrer. Dormez tranquille. » Dieu va parler à Hanani et va lui dire « Tu rassures le peuple par des mensonges. Tu rassures le peuple par des mensonges. » On connaît ce genre de situation, hein. Parfois même dans l'actualité encore récente, j'ose à peine faire le parallèle, mais il y a des gens qui nous disent « on va détruire le terrorisme ». Ben, je pense qu'on a de quoi en douter, parce que c'est jamais avec de la violence qu'on finit par éteindre la violence, on le sait, mais on nous le dit. Alors, on peut y croire, mais on peut rester lucide aussi. Dans les temps de tension particuliers, il y a toujours des gens pour nous endormir, pour nous dire « mais ça va aller bien, vous inquiétez pas, on gère ». La situation de l'évangile qu'on vient d'entendre, là encore, Jésus évoque des situations dramatiques de la fin des temps. Elle fait suite à l'annonce de la destruction du temple de Jérusalem. C'est marrant parce que Jérémie va vivre la première destruction de Jérusalem et Jésus va prophétiser la deuxième destruction du temple de Jérusalem. Encore une fois, on se situe à un moment de l'histoire d'Israël bouleversant. Ce sont des bouleversements géopolitiques, mais qui ont aussi des influences et des connexions religieuses. Et dans cette situation de tension, Jésus invite à ne pas nous endormir. à ne pas nous endormir et nous laisser endormir par la débauche, l'ivrognerie et les soucis du monde. Frères et sœurs, nous devons reconnaître que le monde, la culture dans laquelle nous vivons, est une culture qui a tendance à nous endormir. Pourquoi ? Parce qu'elle nous nourrit, elle nous gave et nous consommons et nous nous laissons gaver. Alors on est comme après un bon repas, on est un peu endormi par une digestion difficile. Sauf que c'est permanent, c'est constant, c'est sans cesse. Alors on perd de vigilance. Alors dans ce contexte, nous voulons accueillir cette parole de Dieu qui nous est donnée aujourd'hui. Restez éveillés et priez en tout temps. Oui, car c'est dans les moments présents, dans ce moment présent, dans les grands moments d'instabilité parfois de nos vies ou de l'histoire, que Dieu se rend présent, que Dieu se manifeste. Alors comment allons-nous pouvoir, dans ce temps de l'Avent 2015, accueillir l'avènement du Christ roi dans notre vie? Oui, par la vigilance et la prière. Mais ce soir, on voudrait vous donner une première clé de cette série. La vigilance et la prière, ça commence par un acte de foi. Un acte de foi. Un pied dans le vide. Un saut même dans l'inconnu. C'est pas facile de rester éveillé dans les moments difficiles. Ça veut dire de regarder des situations difficiles en face. C'est pas facile non plus de prier dans l'adversité, dans les moments difficiles de nos vies. On a tendance parfois à vouloir se débrouiller tout seul par ses propres moyens. Alors oui, de rester éveillé, oui, de prier dans les moments de grande tension, cela demande un acte de foi. Face aux difficultés et aux souffrances, face à l'instabilité, il est facile de se mettre des œillères, de se laisser anesthésier, de s'endormir. C'est l'image de la débauche et de l'ivrognerie, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Nous fuyons la réalité. Une réalité difficile, on la fuit dans la débauche et l'ivrognerie. Mais c'est plus difficile effectivement de rester éveillé, d'observer et d'être vigilant et lucide face à une difficulté. Face à des situations extrêmes dans lesquelles on doit réagir. C'est plus facile de tomber dans les soucis du monde, de porter cette préoccupation et de continuer à la porter et jour après jour. C'est plus facile de porter la responsabilité et le souci que de prier. Eh bien, frères et sœurs, la vigilance et la prière nous sont données comme une force. C'est une force pour regarder le monde tel qu'il est, en apprécier la réalité, même si elle est effrayante et difficile à accueillir, autrement dit accueillir le réel, et le remettre à Dieu. Et ça, c'est un double courage, accepter le réel, même s'il est difficile, de le remettre à Dieu. Ça, c'est accueillir l'avènement du Christ aujourd'hui. L'anesthésie, elle, par la débauche et l'ivrognerie et les soucis de ce temps, c'est une double fuite, fuite du réel. Je vais chercher à échapper à cette instabilité effrayante en me disant que tout ira mieux et en usant de tout ce qui peut me faire fuir de cette réalité. Fuite aussi de ma vraie responsabilité, parce que je vais refuser de la remettre à Dieu, je vais vouloir gérer par moi-même. Ça se fait au niveau individuel dans nos vies, ça se fait aussi au niveau collectif dans une société. Ça, c'est le refus de l'avènement du Christ roi. Or, le Seigneur veut, par notre prière, venir dans la réalité de notre monde, dans la réalité de notre vie, dans la vérité de nos vies. Et nous n'avons pas à attendre que tout soit prêt. Des fois, on a tendance à croire que l'Avent, c'est le temps de la préparation à Noël. Alors, on va passer 4 semaines à faire une belle crèche pour que quand le petit Jésus va arriver, tout soit beau, bien rangé et propre et accueillant. Mais en fait, le temps de l'Avent, c'est l'accueil du Christ glorieux dans ce que je vis maintenant. Même si la maison est mal rangée, même si mon cœur est enténébré, même si la situation que je vis, ce n'est pas encore celle que j'espérerais pouvoir vivre, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que la gloire de Dieu est à accueillir. Et cela demande, je le redis, un double courage. Le courage d'accueillir ma vie et la réalité de ma vie avec tout ce qu'elle a de difficile, peut-être d'effrayant, Et le deuxième courage, d'inviter Dieu, de remettre tout cela entre les mains de Dieu, de ne pas attendre d'être parfait pour que Dieu puisse venir, ou que j'ose enfin l'inviter à ce qu'il puisse venir dans mon cœur. Eh bien, nous voulons vous proposer dans ce temps de l'Avent une démarche particulière. Sur la petite carte qu'on vous a remise dans l'entrée, il y a au recto un engagement à prier, pour précisément laisser advenir le règne de Dieu aujourd'hui et chaque jour du temps de l'Avent et du temps de Noël dans ma vie. Et on voudrait vous proposer des manières concrètes de vivre cet accueil, cet acte de foi pour que le règne de Dieu vienne dans mon cœur. Pourquoi ne pas participer au groupe de prière le mercredi soir, aux 15 jours ? D'ailleurs, c'est mercredi cette semaine, à 19h30, dans le sous-sol de l'église. Pourquoi ne pas oser louer Dieu parce que c'est difficile ? Pourquoi ne pas participer aux messes de l'aurore qui vont débuter jeudi, pour tous les jeudis de l'Avent, vivre une messe le matin à 6h30, ouais, c'est se lever un peu tôt, mais si on veut être vigilant, ben, faut commencer par se réveiller. Se réveiller un peu plus tôt, une fois par semaine, et offrir ce temps au Seigneur dans l'Eucharistie. Et vous ne serez pas déçus, la messe de l'aurore, c'est super beau, c'est une messe à la bougie dans l'obscurité. Il y a un côté magique à cette célébration où le Seigneur se fait sentir dans sa proximité. Pourquoi ne pas participer à la nuit d'adoration encore cette semaine? Offrir, si je n'ai pas le temps dans mes journées trop remplies, un moment de ma nuit à Dieu. C'est à la chapelle Saint-Alphonse, c'est entre jeudi et vendredi, on fait ça la veille de tous les vendredis du mois. Mais pourquoi pas le faire si je ne l'ai jamais fait cette semaine? Ou pourquoi ne pas me dire chaque jour je veux vivre un temps d'adoration? Ici dans l'église Saint-Thomas d'Aquin, l'église est ouverte de 7h à 19h tous les jours. Et il y a une chapelle du Saint-Sacrement sur le côté. Et ici dans l'église sur l'autel, le Saint-Sacrement est exposé tous les jours de 7h à 9h le matin. Je peux passer avant d'aller au travail, offrir 15 minutes, me remettre devant le Seigneur. Je peux aussi choisir de venir régulièrement en soirée dans la chapelle Notre-Dame de Guadeloupe. Et il y a l'adoration les soirs de 4h à 7h. Autant de possibilités qui me sont données pour choisir de laisser le règne de Dieu advenir dans ma vie. Alors vous avez peut-être cette petite carte, si vous ne l'avez pas, vous pourrez la récupérer, je ne sais pas où, qui en a? On a un stock de cartes quelque part. Vous en avez une? C'est bon, elles sont devant, on voit que vous en avez, super. On va prendre un chant à l'Esprit-Saint maintenant, pour demander au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux cette année que je fasse pour accueillir ton règne dans ma vie ?» On a écrit une heure pour Dieu, mais ce n'est pas forcément une heure. Je ne suis peut-être pas rendu à une heure, peut-être que je suis rendu à une heure. Peut-être c'est juste une demi-heure dans la semaine. Peut-être c'est une heure dans la semaine. Peut-être c'est une heure par jour. Voilà, je vous invite à vous lever. On va invoquer ensemble l'Esprit Saint maintenant pour qu'il inspire notre cœur et nous aide à faire cette démarche. Et dans l'enchaînement, moi je vous inviterai, si vous êtes décidé à faire le contrat avec le Seigneur, vous remplissez cette petite feuille, cette petite tracte, vous la remettez dans le petit panier qui est là devant la couronne de l'Avent. En fait, si on ne prend pas d'engagement, on ne le fait pas. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a guère que quand on est engagé qu'on le fait. Ben, on va s'engager avec le Seigneur ce soir. Invoquons l'Esprit Saint.